Ce morceau dédié à tous les blessés de la vie, car on y est tous plus ou moins, c'est ainsi. Les victimes des fléaux du 21e, un siècle où s'accroît la détresse et la haine. Mais l'amour emportera, la joie enflammera les cœurs de ceux qui étaient plongés dans la tristesse ici-bas. Déjà, pensons à nos frères et sœurs dans les prisons. C'est l'île que nous dédions pour toute la jeunesse manipulée, car une grande partie des délits sont commis. Donc les actions ne sont que les conséquences de ce que ce monde corrompu met à notre disposition. Tant de drames, si maintenant j'exprime ce que certains pensent vraiment et que je m'alarme, que dans ce texte pour faire réagir j'actionne l'alarme. Le mensonge qui cache la vie, la vérité se propage depuis l'époque d'Ève et Adam. Ne saccageons pas nos vies, car même si auparavant nous l'avons fait, sachez que rien n'est perdu. C'est pour nos frères et sœurs qui désespèrent à la recherche d'un sourire sincère, d'une issue, dans l'espoir de se sortir de ce mal-être. Cette insatisfaction que peu exprime publiquement, mais que chaque homme sans son seigneur cache dans sa tête. Et ce morceau dédié à tous les blessés de la vie, car on y est tous plus ou moins, c'est ainsi. Les victimes des fléaux du 21e, un siècle où s'accroît la détresse et la haine. Mais l'amour emportera, la joie enflammera les cœurs de ceux qui étaient plongés dans la tristesse ici-bas. Ici-bas, c'est pour toutes les familles divisées, les enfants délaissés, ceux qui marchent accablés par les préjugés, aux hommes et aux femmes au cœur meurtri, qui du jour au lendemain se retrouvent seuls et détruits. Tant de frères et sœurs à représenter, la misère est tellement grande et diverse. Les faits divers nous confirment que la jeunesse est en état d'ivresse. Pour tous ceux qui vivent dans la dépendance et qui essaient d'en sortir, pour tous ceux qui par ignorance, à cause de leur souffrance, veulent se faire mourir et font couler les larmes sous les joues de leurs proches, les poches vides, combien malheureusement sont prêts à tout, dans une époque où l'humain paraît ne rien valoir sans un sou. Pour tous ceux à la recherche d'un travail, courage, car la persévérance paie, l'oisiveté laisse sur la paille, spécialement dédiée pour les exclus, les marginalisés, pour tous ceux que la société moralement tue, moralement tue. Ce morceau dédié à tous les blessés de la vie, car on y est tous plus ou moins, c'est ainsi. Les victimes des fléaux du 21e, un siècle où s'accroît la détresse et la haine. Mais l'amour emportera, la joie enflammera les cœurs de ceux qui étaient plongés dans la tristesse ici-bas. Ces fléaux qui nous mènent à la mort, frérot. J'ai vu l'alcool détruire des familles, traumatiser à vie des garçons comme des filles, changer la nuit en loup, effacer la mémoire, faire du sage un fou. À tous ceux qui vivent sous son emprise, que Dieu vous donne la force et la volonté de briser ces chaînes afin d'en être libéré. Trop de dégâts, chez moi comme chez toi, ne me dis pas que tu ne le vois pas. Pour tous les jeunes, dans un mauvais engrenage, qui ont perdu de même toute estime. Attention aux mauvaises images, qui vous mentent en vous disant qu'il n'y a qu'à la haine que la vie vous destine. La violence frappe à l'écran, s'infiltre en nous dès l'enfance. Maintenant nombreux sont ceux qui succombent par l'influence. Mais ne désespérons pas, certains, comme après la nuit vient le jour, qu'il n'y a que l'amour pour que nous changions. Ce grand don de Dieu, c'est lui-même que nous vous annonçons. Chers frères et sœurs, on souhaite que vous le trouverez pour vivre une vie en paix et dans le bonheur, et dans le bonheur. Ouais, Scalpel, tu sais, l'humain a soif de justice, recherche son identité profonde, aspire à la paix et un bonheur qui ne se finisse. Un bonheur qui ne se finisse.